Ici l'amiral des des découpeurs pour l'état de danger. Réfractaire au système et non donc rager. Comme injection létale dans le cerf, c'est trouvé. Insoumis donc j'affale comme les reflets que la France a refoulé. Et de découpeur pour l'état des deux dangers. Réfractaire au système et non donc de rager. Comme injection létale dans le cerf, c'est prouvé. Insoumis donc j'affale comme les reflets que la France a refoulé. Pas un jour sans que je ressasse que tôt ou tard tout ça va payer. Rap salace pour coriace et je ne rappe pas s'avérer. Je passe les rapports comme les porteuses sur l'autoroute du soleil, mon modèle. Donc plus rien ne repousse quand je sors de mon sommeil. Des fleurs et des oreilles, mon quotidien cache qui dure. Rime crue pour le quotidien décrit en nos écritures. Une vie de rue, j'ai dû caresser trop flirter près du démon. Plan à plus de 4-0 OP, même si des gorilles faut que je démonte. Je déboule par devant, comprends pourquoi personne me l'a mise. Constate des déchirures vaginales juste après leurs expertises. Ça passe du pénal au légal, d'or à la cigale. J'vis de vire à l'animal quand de mes pulsions virent au primal. N'aime qu'une chose, leur faire mal. On me surnomme le délamiral, tout comme Jack Sparrow. Moi j'ai dû crever pour chasser mon mal. Ça rappe des poésies quand mes sons frisent la frénésie. Chaotique ambition dans ce monde gangréné par l'hérésie. Dans ma purgue, mes nerfs à vivre. Du feu dans la plume, donc mes vers ne sont que corrosifs. Plus brillant que toute vos Irlande. Quand le move se perd et qu'on le compare à Shutter Island. Un flow fat, frais mais punitif. J'fuck les corrompus comme je fuck les colons. Cœur du fisc. Regard froid comme le froid d'une arme. Ma vie est triste et vois que mes malheurs lui donnent du charme. Au jeu d'échecs, seuls les fous sont le plus près du roi. Ma ténoire prête à foudroyer car fou n'est pas celui qu'on croit. Pour moi l'amitié plus qu'un pare-balles quand les rumeurs pleuvent. Vois bien que ma rumeur quand de sperme ici les frères s'abreuvent. La preuve, combien sont morts par le biais d'une poucave. Ou des tours dans les cellules, telles des gélules cause de gros draps. Des stromons et des anges crapules forment le paradis du zèle. Vampire à la fosse pour te finir si tu fais du zèle. Les ailes de l'enfer ont fait sécher nos larmes. Mat même les marmots ne chiennent plus, font juste pleurer les âmes. Ma vie des roses, des drames, pour les doses de fans ou de canne. À l'heure où les préjugés nous noient quand leur putain de JD nous crame. Mais tu nos élites pour nous taire, laisse le busy pour nous foutre au fer. Quand tous mes frères recherchent le cheesy pour se mettre au vert. C'est le tapis vert ici, la vie une simple loterie. Mon passé sans la boucherie quand la leur pue la fantaisie. Dans ma purgue, mes nerfs à vivre. Du feu dans la plume, donc mes vers ne sont que corrosifs. Plus brillant que toute vos Irlande. Quand le move se perd et qu'on le compare à Shutter Island. Un flow fat, frais mais punitif. J'fuck les corrompus comme je fuck les colons. Cœur du fisc. Regard froid comme le froid d'une arme. Ma vie est triste et vois que mes malheurs lui donnent du charme. Ici c'est vodka, bar juré par un bel homme. Pour s'évader, un défonce de Gibraltar coupé à l'opium. Ma rue, un remake de la guerre du feu. Vois les billets flambés comme les âmes quand tout se met en jeu. Le bon devient brut si le butin en vaut la chandelle. Mortel en son métruant dans le ghetto, saucissonne aux chandelles. Funèbre cortège pour célébrer la nouvelle année. Que j'ai déjà vu comme les peines fermes de tous mes frères condamnés. Ça grimpe des paliers pour pallier au manque de billets. J'peux pas nier que les paliers de ma tête sont perforés. Mon gilet race, donner la vie en 2011, putain de coup de grâce. Quand le vif n'est que savourer les restes avant le coup de grâce. Dans ma purgue, mes nerfs à vivre. Du feu dans la plume, donc mes vers ne sont que corrosifs. Plus brillant que toute vos Irlande. Quand le move se perd